Delhi. Annonciade. Première partie. Chapitre 1. Les mouches volaient dans l'air doux qui sentait l'eucalyptus et les pins. L'une d'elles frôla le grand nez maigre de M. Labarède et se posa sur le front dégarni, couleur de vieil ivoire. Mme Labarède se souleva un peu sur son fauteuil en étendant la main pour chasser l'importune. Ce mouvement réveilla le dormeur. Deux bons yeux gris apparurent, tout souriant dans le visage en arête vive sur lequel la peau formait des plis menus. « Qu'y a-t-il, Rose ?»« Une mouche qui te tracassait, mon chéri. »« Ah, la petite coquine !» Il rit doucement et se redressa en ramenant en avant sa calotte de drap gris. Madame Labarède retint l'ouvrage de tricot interrompu qui allait glisser de ses genoux. Ses beaux yeux noirs de provençal demeuraient brillants dans la matité jaunâtre du teint qui se fanait. Il laissait transparaître toujours sa tendresse d'épouse, ce grand amour tranquille et confiant que rien n'était venu attaquer en 45 années de vie commune. Un sourire de bonté malicieuse entr'ouvrait les lèvres larges, entre lesquelles apparaissaient des dents fort belles encore, très blanches, auprès du rose toujours vif des lèvres. « Quel excellent petit somme tu as fait! En vérité, tu dormais comme un bienheureux. Sans cette mouche... »« Elle a bien raison. Il est temps d'aller au travail, ma bonne Rose. » Il se leva avec effort en marmottant. « Oh, ces diables de rhumatisme !» Sa grande taille maigre se dressa, encore droite, bien à l'aise dans un vêtement large de couleur terne, un peu usé. Le vieillard étira ses bras, fit craquer ses articulations. « Je vieillis, ma Rose. Il est loin le temps où nous dansions la farandole au Mazdouyol chez ton oncle Théophile. » Elle soupira. « Oui, il est loin. » Les yeux noirs devenaient mélancoliques. M. Labarède étendit ses longs doigts osseux et les posa sur les cheveux grisonnants de sa femme. « Nous nous sommes bien aimés. Nous nous aimerons jusqu'au dernier jour. Et nous avons été heureux, après tout, Rose, tant que Dieu nous a laissé notre Madeleine. »« Notre fille chérie !» Le visage ridé frémit, des larmes parurent sous les paupières flétries. Mais Dieu sait bien ce qu'il fait. Madeleine aurait souffert de la faiblesse de caractère, du nonchalant égoïsme de Conan. Elle a quitté ce monde après un an de mariage, en ayant conservé encore presque toutes ses illusions. Que le Seigneur en soit béni. Et elle nous laissait comme consolation sa fille, notre petite Annonciade. Les yeux attristés de M. Labarède sourirent à ce nom. Oui, Annonciade, notre chérie, si bonne, si jolie. Ses 20 ans vont sonner, Rose. Il faudra bientôt songer à la marier. Nous avons le temps, mon ami. J'ai tellement peur, vois-tu. Notre enfant si belle, si pure, si aimante, il faudra donc la donner à un étranger qui, peut-être, sera l'un de ces hommes indignes, comme il y en a trop. Ah, les nuits où je ne dors pas, j'y songe à ce mariage d'Annonciade, je tremble et je prie Dieu de mettre sur sa route celui qui saura la comprendre, l'aimer comme il faudra qu'on l'aime pour qu'elle soit heureuse. Oui, oui, moi aussi, j'y songe bien souvent. Néanmoins, vois-tu, je voudrais voir l'enfant bientôt établi, car après nous, elle resterait seule, ou du moins, elle n'aurait plus que son père et sa belle-mère. Or, ce pauvre hurluberlu de Conan lui ferait faire n'importe quel mariage. Quant à sa femme, elle nous est inconnue. Un soupir gonfla la poitrine de Madame Labarède. Nous sommes vieux, c'est vrai. D'un jour à l'autre, nous pouvons manquer à la pauvre petite. Oh, je pense à tout cela, Pascal, je t'assure. Entre les feuillages légers et les houppettes jaunes du grand mimosa planté au coin de la terrasse, la vibrante clarté du soleil méridional s'étendait sur les vieux visages émus, sur le vêtement usé de M. Labarède et sur la robe noire, un peu verdie, de sa femme. Des parfums passaient autour d'eux, venant des pinèdes toutes proches et des plantations en terrasse qui formaient le jardin de la Bastide Sainte-Marie, la petite propriété de M. Labarède, située au flanc de la montagne boisée entre Cannes et Antibes. Devant la maison, modeste bâtisse d'un rose cuit par le soleil, s'étendait une terrasse en partie pavée, celle où se trouvaient en ce moment les deux époux. On découvrait de là le golfe de la Napoule, la rade d'Antibes, Villefranche, vision d'or fluide, de bleu ardent, de lumière doucement brûlante à l'heure de midi, s'éteignant le soir en clarté reposante ou devenant flamme et pourpre sur les escarpements sombres de l'Estérel. Les bruits d'en bas, de la rive élégante et cosmopolite, mouraient dans le grand espace lumineux, sans atteindre jusqu'à la solitude où vivaient les deux époux, leur petite fille Annonciade et leur servante quinquagénaire. Dans le jour ensoleillé, M. Labarède descendit les étroits degrés de pierre qui menaient aux plantations. De celles-ci, le vieillard s'occupait assidûment avec l'aide d'un garçon du village. À l'époque des fleurs d'oranger, il prenait quelques personnes pour la cueillette. Ce jardin lui rapportait un petit revenu dont l'absence, aux mauvaises années, se faisait sentir dans le modeste budget. Sur l'une des terrasses, la plus large, s'étendait la plantation d'orangers. Dans un petit bassin ovale, luisait une eau verte et frissonnante, amenée par une conduite du grand bassin cimenté d'en haut. Tout près de là, une jeune fille, agenouillée, cueillait des narcisses. Elle tourna un peu la tête en entendant le pas de M. Labarède et la douceur profonde de ses beaux yeux s'anima d'un sourire très gai. « Tu n'as pas fini ta cueillette, Annonciade ?»« Si, grand-père, deux ou trois encore, voilà !» Elle se redressa en un souple et vif mouvement de tout son jeune corps gracieux. La lumière éclairait les contours délicats, la blancheur mate de son visage, auquel montait un peu de chaleur. Ses mains retenaient un bouquet de narcisses dont le parfum se répandait autour d'elle dans l'air tiède. « Je vais porter ces fleurs à l'église !» « Vous n'avez pas de commission pour le village ?»« Rien du tout, mignonne. »« Alors, à tout à l'heure, grand-père. » M. Labarède étendit la main et donna une caresse aux cheveux bruns qui ondulaient si joliment sur la tête fine d'Annonciade. La jeune fille se pencha, baisa le front ridé, puis remonta vers le logis. Elle avait une allure légère, des formes harmonieuses, et l'aïeul, en la regardant s'éloigner, songeait... Sa lointaine ascendance grecque revit en elle. C'est une vraie fille de Provence, notre Annonciade. En passant sur la terrasse, Annonciade s'enquit des commissions de Madame Labarède. Après quoi, ayant mis un chapeau, elle sortit de la maison et se trouva sur le chemin caillouteux qui menait au village, le long du plateau, entre des plantations en gradins et des bois clairsemés. La maison de M. Labarède n'occupait pas toute la largeur du jardin. Un petit parterre, où s'élançait entre les rosiers le tronc velu d'un phénix, la séparait d'un pavillon formant angle qui restait inhabité. Les longs sarments d'une glycine étreignaient ces vieux murs, dont la décrépitude se dissimulait en partie sous des feuilles légères. Deux ans auparavant, M. Labarède l'avait loué à des hivernants amateurs de solitude. Depuis, il n'avait pas retrouvé de locataire. Mais l'écriteau demeurait toujours là, discrètement pendu au coin d'une fenêtre. Au moment où Annonciade sortait de la maison, un étranger venait de s'arrêter dans le chemin et considérait le petit bâtiment environné de lumière. Il se détourna en entendant le bruit de la porte qui se fermait. Annonciade vit qu'il était jeune, grand, d'apparence fort distinguée. Ce fut tout ce qu'elle put remarquer avant de passer devant l'inconnu qui s'écartait en soulevant son chapeau. Elle pensa, si ce pouvait être un locataire, grand-père a bien besoin d'un costume neuf et bonne maman traîne depuis trop longtemps ses vieilles robes. Ses yeux sourirent à cette perspective d'un peu de bien-être dans l'existence modeste des chers vieillards. La clarté chaude coulait sur les terrasses, au flanc du plateau, et chauffait la terre blonde qui se craquelait. Le petit clocher sarrasin de Sainte-Marthe dressait dans la douce lumière hivernale ses vieilles pierres patinées par les siècles. Entre deux jardins plantés d'orangers, le chemin finissait brusquement aux premières maisons du village. Annonciade passa de l'éblouissante clarté à l'ombre fraîche des logis rapprochés qui laissaient entre eux une voie étroite, où l'eau glissait en filets minces le long d'un caniveau. Des femmes, bavardant sur le seuil du logis, souhaitèrent en provençal le bonjour à la jeune fille. Elles avaient dans la tenue, dans les manières, le laisser habituel à ces races méridionales pour qui l'existence est plus douce et qui vivent insoucieusement au milieu des parfums, sous un ciel lumineux. Les maisons, très vieilles, présentaient des façades noires crevassées, des ouvertures étroites pour condenser l'ombre, la fraîcheur, à l'intérieur, au jour d'été. Des cours, au bout d'un passage que surplombaient de petites arches de pierre effritée, s'enfonçaient dans une obscurité, parfois traversée d'un reflet de lumière. La rue montait, tournait un peu et débouchait sur une placette où s'élevaient les murs roux de la petite église. L'ombre, resserrée entre les maisons voisines et les murs des jardins, étendait à leur base sa fraîcheur. Le temps les avait zébrés dans tailles innombrables, telles des rides profondes dans un visage vieilli. Au-dessus de l'arcade, formant saillie sur l'entrée, une niche s'ouvrait où s'abritait une petite statue grise, celle de Sainte Marthe, miraculeusement découverte, jadis, à l'endroit même où fut bâtie peu après l'église. Annonciade poussa le ventail d'un brun d'étain qui grinça longuement. L'intérieur disparaissait dans une pénombre presque froide, car les vitres grises des fenêtres étroites ne laissaient passer qu'un vague reflet de jour. Mais Annonciade, sans hésiter, avança dans l'allée ménagée entre les vieux bancs de bois ternis, usés par les générations qui s'étaient agenouillées là pour prier, pour crier leurs souffrances et demander la force de vivre. Elle fit une génuflexion devant l'autel très pauvre, placé dans le petit cœur, où deux stalles modestes se faisaient face et que fermait une humble balustrade de bois. Puis elle s'avança jusqu'à la chapelle de gauche, dédiée à Sainte Marthe. L'hôtesse du Sauveur apparaissait dans un tableau encadré de bois fort malmené par les verres et suspendu au-dessus de l'autel. La peinture avait subi la teinte des années. Le visage du Christ, celui de Madeleine, ne se distinguait plus. Mais la figure de Marthe, ronde et souriante, le haut de sa robe, d'un bleu passé, le plat qu'elle tenait entre ses mains, émergeait de toute cette craquelure verdâtre sous laquelle disparaissait le reste de la scène évangélique. Annonciade disposa les narcisses dans un vase de grosse faïence sur le petit autel. Elle défroissa un peu le dessus de drap bleu très fané où les mythes faisaient chaque été quelques ravages, remit en équilibre les flambeaux dédorés posés de travers par le sacristain. Ses gestes étaient doux, respectueux pour ces vieilles choses sans valeur que leur destination et la présence divine toute proche sanctifiaient à ses yeux. Puis elle revint au banc et s'agenouilla, le front dans ses mains. Le grincement de la porte qui s'ouvrait, le bruit mat d'un pas sur les dalles, ne troublèrent pas son recueillement. Quand, sa prière finie, elle se leva et se détourna, elle vit, dans la pénombre, la silhouette élégante de l'étranger arrêtée tout à l'heure devant le pavillon. Comme il se tenait debout dans la petite allée, il dut, cette fois encore, se reculer pour laisser passer Annonciade. La jeune fille songea, tout en quittant l'église, « Sainte Marthe m'exaucera-t-elle? Ce monsieur louera-t-il le pavillon ?» Elle fit ses courses dans le village, s'attarda un peu chez une vieille femme malade et rentra au logis comme le soleil s'inclinait déjà au loin sur la mer éblouissante. M. Labarède apparut au seuil du salon. Son vieux visage animé révélait une satisfaction très vive. « Mignonne, devine ce qui nous arrive !»« Un locataire, grand-père !» Il ouvrit largement les yeux en signe de stupéfaction. « Comment là, tout de suite, tu as trouvé ?» Elle rit joyeusement. « Mais oui, et même je puis vous le décrire à peu près, ce locataire. Un monsieur jeune, grand, d'apparence très bonne. Tu l'as rencontré alors ?»« Précisément, il regardait le pavillon quand je suis sortie et, à l'église, je l'ai encore revu. Ainsi donc, il a loué ?» Madame Labarède apparaissait derrière son mari. Ce fut elle qui répondit « Oui, ma petite, et sans discuter le prix que lui faisait ton grand-père. À cette époque de l'année, c'est inespéré. Je crois bien, quelle chance, bonne maman! A-t-il de la famille, ce monsieur ?»« Non, il est seul. À Cannes, il est descendu à l'hôtel de Californie. Son valet de chambre s'occupera de son service, mais nous devrons fournir les repas. Il dit n'être pas difficile et préférer une nourriture simple et saine aux plats compliqués. D'ailleurs, Azalaïs cuisine à merveille quand elle veut. M. Labarède ajouta « Il paraît fort bien, très grand seigneur, assez froid, mais courtois et pas poseur. Il s'appelle le marquis de Pandelon et c'est un breton. Notre pavillon lui a semblé réaliser ce qu'il souhaitait, c'est-à-dire une retraite où ses nombreuses relations mondaines le laisseraient en repos et il pourrait s'occuper de peinture et faire de longues promenades solitaires. » Tandis que le vieillard parlait, annoncia de se débarrasser de ses menus paquets et enlever son chapeau. En accrochant celui-ci à une patère, elle demanda « Et quand viendra-t-il prendre possession de son domaine, ce marquis de Pandelon ?»« Dans 8 jours. D'ici là, son domestique montera de Cannes pour organiser son installation. » « Et il restera ?»« Il ne le sait pas encore, mais il me paie 1 trimestre de toute façon. » « C'est très joli cela, grand-père. Voyez comme cette bonne Sainte Marthe nous protège. » Avec un gai sourire, Annonciade se pencha pour embrasser M. Labarède. La clarté du soleil couchant, par la porte ouverte au fond du vestibule, se répandit sur les cheveux bruns et sur le visage heureux. « Maintenant, il va falloir nous occuper de nettoyer le pavillon. Ce ne sera pas long puisque nous l'avons tenu en bon état. » « Je vais y donner un coup d'œil dès ce soir et demain nous nous y mettrons, Azalaïs et moi. » Madame Labarède suivit des yeux la jeune fille qui s'éloignait. M. Labarède frottait l'une contre l'autre ses mains sèches que déformaient les rhumatismes. Il dit allègrement « Voilà une bonne affaire et bien inattendue. Nous mettrons cette somme de côté pour ajouter à la dot d'Annonciade. » Madame Labarède fit de la tête un signe d'approbation. Puis elle objecta, d'une voix hésitante, « Ce monsieur est jeune, nous avons peut-être eu tort à cause de la petite. » M. Labarède, de l'index, caressa lentement son menton rasé. « Évidemment, il est ennuyeux d'avoir un étranger si près, et chez nous pour ainsi dire, puisque nous lui donnons la jouissance du jardin. » Mais Annonciade est bien simple, bien sérieuse. Lui paraît très comme il faut. « Cela ne l'empêchera pas de trouver notre petite jolie. Et il est très beau garçon, ses yeux surtout. As-tu remarqué ?»« Oui, mais ma bonne chérie, il fallait penser plutôt à cela. Maintenant, l'affaire est conclue. »« Je n'y ai pas songé sur le moment. Tu sais, nous voyons toujours en Annonciade une petite fille. Mais en y réfléchissant, je songe que c'est peut-être imprudent ce que nous faisons là. » « Mais non, je crois qu'il n'y a rien à craindre, étant donné le caractère de l'enfant. Quant à lui, nous le surveillerons, au cas où il chercherait à tourner autour d'elle. Allons, ne t'inquiète pas, ma bonne Rose, tout se passera très bien. » Madame Labarette ne demandait pas mieux que d'en être persuadée. Une fois de plus, elle se laissait influencer par l'aimable et parfois imprudent optimisme qui n'abandonnait que bien rarement le bon monsieur Labarède. Si un peu de crainte lui revint parfois les jours suivants, elle ne s'y arrêta pas et s'associa sans effort à la satisfaction de son mari et d'Annonciade, aussi naïvement enchantés l'un que l'autre de l'aubaine inespérée.